Chapitre 21e. Monsieur Moffat n'a pas de bonheur. Nous allons, avec la permission du lecteur, passer par-dessus quelques mois de notre histoire. De retour à Greshamsbury, Frank annonça à sa mère, à peu près de la même manière qu'à sa tante, l'insuccès de sa mission, et deux jours après, il partait pour Cambridge. Il ne vit pas même Mary pendant son court séjour à la maison paternelle. Quand il s'informa d'elle, on lui répondit qu'il n'était pas probable qu'elle vînt au manoir de quelque temps. Il alla chez le docteur, mais il ne la trouva pas. Janet lui dit qu'elle était probablement allée chez Miss Auriel. Il se rendit au presbytère, mais Miss Auriel n'avait pas vu Mary de toute la matinée. Comprenant alors que Mary n'avait pu disparaître sans un arrangement prémédité, il interrogea hardiment Béatrice à ce sujet. Béatrice prit un petit air pincé et dit à son frère que personne n'avait cherché querelle à Mary. Mais elle convint que l'on avait jugé prudent que Mary s'abstint pendant quelque temps de revenir à Greshamsbury. Puis elle finit par tout avouer à Frank, y compris les conversations qu'avaient eu lieu entre Mary et elle. « Il est impossible que vous l'épousiez, Frank, » lui dit-elle, « et personne ne le comprend mieux que la pauvre Mary elle-même. » À voir Béatrice, on eût dit la personnification de la prudence. « C'est une impossibilité que je ne comprends nullement, moi, » dit Frank, de cet air impérieux qu'il prenait toujours en discutant avec ses sœurs. « Il va sans dire que je ne prétends pas juger des sentiments de Mary. Vous avez dû lui rendre la vie bien agréable entre vous toutes. » Mais vous pouvez être sûre d'une chose, Béatrice, et ma mère aussi, c'est que rien au monde ne me fera renoncer à Mary. » Et Frank se fortifia dans sa résolution en se rappelant tous les conseils que Miss Dunstable lui avait donnés. Béatrice était tout à fait prévenue contre ce mariage, non qu'elle n'eût pas aimé avoir Mary pour belle-sœur, mais elle partageait jusqu'à un certain degré la manière de voir de sa famille et pensait qu'il était indispensable que Frank fît un mariage d'argent. Il semblait du moins absolument nécessaire qu'il le fît ou qu'il ne se mariât pas du tout. La pauvre Béatrice n'avait pas des vues mercenaires. Elle n'eût pas voulu sacrifier son frère à une Miss Dunstable, mais elle n'en sentait pas moins, comme tous ceux qui l'entouraient, sans en excepter Mary elle-même, que le mariage du jeune héritier avec la nièce du docteur était une chose impossible, et quoiqu'elle fût l'amie intime de Mary et la sœur favorite de Frank, elle ne pouvait donner à celui-ci le moindre encouragement. Il n'y avait donc qu'une épouse possible pour le pauvre Frank, la fortune. Lorsque sa mère apprit que son mariage avec Miss Dunstable était une affaire manquée, elle ne fit aucune remarque et se borna à dire qu'il valait peut-être mieux qu'il retournât le plus tôt possible à Cambridge. Si elle eût dit sa façon de penser tout entière, elle lui aurait aussi probablement conseillé d'y rester le plus longtemps possible. La comtesse n'avait pas manqué d'écrire à sa belle-sœur, et sa lettre était bien faite pour inspirer à Lady Arabella de sérieuses inquiétudes sur l'éducation incomplète de son fils. Elle était donc très désireuse qu'il profitât de tous les avantages que l'université pouvait lui offrir, mais cela n'était qu'un point secondaire. L'importance pour elle, c'était de l'éloigner au plus tôt de Mary Thorne. Frank eut une longue conversation avec son père. Mais hélas, tout ce que le squire lui-même dit à son fils tendait à la même conclusion. Il est vrai qu'il ne s'y prit pas d'une manière aussi froide et aussi sèche que sa mère et sa tante. Il ne lui dit pas de se vendre à la première femme riche qu'il rencontrerait. Ce fut au contraire avec une profonde tristesse et en s'adressant bien des reproches que le père donna à entendre au fils qu'il ne lui était pas permis de suivre son propre penchant, comme le peuvent ceux qui sont vraiment riches ou vraiment pauvres. « Comment feriez-vous pour vivre ?» « Si vous épousiez une femme sans fortune, » lui dit-il, après lui avoir avoué la brèche qu'il avait faite à son patrimoine. « Je ne tiens nullement à l'argent, mon père. Je serais tout aussi heureux que si Boxall Hill n'avait jamais été vendu. Mais, mon cher enfant, le moment viendra où vous penserez tout différemment, et ce moment n'est pas éloigné. Alors laissez-moi embrasser une carrière quelconque, mon père. J'entrerai au barreau. Je suis sûr que je pourrai gagner ma vie tout aussi bien qu'un autre, et j'aimerais assez à être avocat. » Le nom de Mary Thorne ne fut pas prononcé dans cet entretien. Frank ne savait pas au juste si le squire avait été averti du grand danger que redoutait sa famille, mais nous sommes fondés à croire qu'on ne lui avait rien caché à cet égard, car Lady Arabella n'avait pas pour habitude de garder pour elle ses chagrins. D'ailleurs, l'absence de Mary avait nécessairement été remarquée. La vérité est qu'on avait raconté au squire tout ce qui s'était passé en l'accusant bien entendu de tout le mal qui pouvait en résulter. C'était lui qui avait encouragé Mary à se regarder comme un membre de la famille de Greshamsbury. C'était lui qui avait mis dans la tête de cet odieux docteur, odieux en tout excepté en ce qui concernait son doctorat, qu'il pouvait marcher de pair avec l'aristocratie du comté. Enfin, c'était par sa faute que Frank se voyait forcé de faire un mariage d'argent, et c'était encore par sa faute que Frank parlait d'épouser une fille pauvre. On pense bien que le squire n'avait pas écouté très débonnairement ces accusations et qu'il avait riposté avec vigueur à Lady Arabella, qui s'était enfin vue contrainte de se retirer avec une migraine qu'elle prétendait passer à l'état de maladie chronique et qui l'empêcherait pour 3 mois au moins, ainsi qu'elle l'assura à Augusta, de converser longuement avec son mari. Mais bien que le squire fût sorti à peu près victorieux de cette lutte, elle n'en avait peut-être pas produit moins d'effet sur lui. Il s'était vu forcé de reconnaître qu'il avait contribué à ruiner son fils, et comme le reste de sa famille, il ne voyait de remède à ce malheur que dans un mariage d'argent. Frank partit donc pour Cambridge, ne se dissimulant pas qu'il avait beaucoup perdu dans la bonne opinion des habitants de Greshamsbury, et qu'il n'était plus pour eux le personnage important dont ils avaient célébré la majorité 2 mois auparavant. Il n'avait vu le docteur qu'une seule fois, mais leur entrevue n'avait rien eu d'agréable. Frank n'avait pas osé parler de Mary, et le docteur ne s'en était pas non plus senti le courage. Ils s'étaient rencontrés par hasard sur la route, et malgré leur affection mutuelle, ils n'avaient pu se défendre d'une certaine gêne. Bref, en partant pour Cambridge, Frank était plus que jamais résolu de rester fidèle à Mary. « Béatrice, » dit-il à sa sœur lorsque le matin de son départ, elle entra dans sa chambre pour l'aider à emballer ses effets, « Béatrice, si jamais elle vous parle de moi... »« Oh, Frank, cher Frank, n'y pensez plus. C'est une véritable folie. Elle le comprend elle-même. »« N'importe. Si jamais elle vous parle de moi, vous lui direz que mes dernières paroles ont été pour renouveler l'assurance que je ne l'oublierai jamais. Quant à elle, elle est libre de faire ce qui lui plaît. » Béatrice ne voulut rien promettre, mais nous pouvons être certains que lors de sa première entrevue avec Mary, elle ne manqua pas de s'acquitter du message de Frank. D'autres chagrins se préparaient pour la famille de Greshamsbury. L'époque du mariage d'Augusta avait été fixée pour le mois de septembre, mais M. Moffat s'était vu forcé d'ajourner ce moment fortuné. Il l'avait dit lui-même à Augusta, non sans de vives protestations de regret, et il avait écrit au squire que les affaires électorales et autres difficultés insurmontables rendaient ce retard nécessaire. Augusta parut supporter ce contretemps avec plus de sérénité d'âme que n'en montrent ordinairement les jeunes filles en pareille occasion. Elle en parla à sa mère comme d'une chose toute naturelle, et sembla même se réjouir à la pensée de rester à Greshamsbury jusqu'au mois de février, époque fixée en second lieu pour le mariage. Mais Lady Arabella et le squire ne paraissaient pas aussi satisfaits. « Je commence à croire que cet homme n'est pas sincère », avait dit un jour M. Gresham devant Frank, et celui-ci s'était demandé de quelle espèce de faute M. Moffat avait pu se rendre coupable, et quel serait le genre de châtiment qu'il conviendrait de lui infliger. Il n'y songea pas en vain, surtout après une conférence qu'il eut à ce sujet avec son ami Harry Baker, conférence qui eut lieu pendant les vacances de Noël. Nous aurions dû dire que la visite de Frank au château de Courcy n'avait pas contribué à lui inspirer le désir de hâter l'époque de ses examens, et qu'il avait été convenu qu'il resterait encore une année à Cambridge. Quand il revint passer les vacances de Noël à Greshamsbury, la maison paternelle lui parut fort triste. Mary était en visite avec Miss Auriel chez une tante de celle-ci qui demeurait dans les environs de Londres, et Frank apprit qu'elle ne serait pas de retour avant son départ. Mary n'avait laissé aucun message pour lui, du moins aucun par Béatrice. Il commença donc à l'accuser de froideur et de perfidie. Certes, c'était bien à tort, puisqu'elle ne lui avait jamais donné le moindre encouragement. L'absence de Miss Auriel ajoutait au regret du jeune homme. Il était dur pour Frank de voir qu'on s'éloignait de lui au moment de son retour, mais à dire vrai, c'était dur pour tout le monde. La visite de Miss Auriel à sa tante n'avait été arrangée que dans le but d'écarter Mary de Greshamsbury pendant les vacances de Frank. Et si celui-ci trouvait qu'on le traitait avec cruauté, que devait penser M. Auriel en se voyant condamné à passer les fêtes de Noël dans l'isolement, et cela parce qu'il avait plu au jeune squire de devenir amoureux de Mary Thorne? que devait penser le docteur, assis seul à son foyer et privé des dîners de Greshamsbury. Frank fut donc plus ou moins maussade. Il parla à Béatrice de la constance de son amour pour Mary, ce qui ne l'empêcha pas, lorsque l'occasion s'en présenta, de se laisser un peu consoler par les sourires des belles du voisinage. Son cheval noir fut soigné admirablement, le vieux poney gris ne fut nullement dédaigné, et les plaisirs du sport occupèrent une grande partie de son temps. Néanmoins, la maison lui paraissait triste, et il sentait qu'il en était la cause. Il voyait rarement le docteur, qui ne venait au manoir que lorsqu'on le faisait demander. Plus de bonnes soirées avec son vieil ami, plus de conversations intimes chez le docteur, plus de discussions sur les plaisirs de la chasse et sur les différentes qualités des chiens. Oui, les jours se passaient tristement pour Frank, et plus tristement encore pour le docteur. Au commencement de février, Frank, après avoir pris certains arrangements avec Harry Baker, retourna à Cambridge en promettant d'être de retour pour le mariage de sa sœur, qui devait avoir lieu le 20 du même mois. C'était un temps de l'année bien froid, bien inclément, qu'on avait choisi pour la célébration du mariage. Mais il était assez en harmonie avec les sentiments de leur couple. Certes, le mois de février n'est pas gai, mais les plaisirs de l'hiver, un bon feu, une bonne table, des tapis moelleux en font généralement pour les riches un été factice que quelques personnes préfèrent aux longs jours et aux rayons vivifiants du soleil. D'ailleurs, certains mariages semblent plutôt appartenir par leur nature à la température glaciale de l'hiver. Ce sont ceux où l'intérêt et la fortune sont seuls en jeu, alors que des appartements somptueusement meublés et un riche équipage tiennent lieu des doux épanchements du cœur. M. Moffat n'était pas venu passer les vacances de Noël à Greshamsbury. La pétition au ministre, ses affaires avec son notaire et toutes ses préoccupations d'argent l'avaient privé de ce plaisir. Il n'était même pas venu pour les fêtes de la nouvelle année, mais de temps à autre il envoyait un petit billet écrit sur du papier rose et accompagné d'un porte-crayon ou d'une petite broche. Il lui tardait, disait-il, de voir arriver le 20 février. Cependant le squire, qui commençait à s'inquiéter sérieusement, partit enfin pour Londres. Frank, qui était à Cambridge, acheta le fouet le mieux conditionné qu'il put trouver dans cette ville et écrivit une lettre confidentielle à Harry Baker. Pauvre M. Moffat, il est étonnant que lorsqu'il se rendait en dog-cart au château de Courcy, tout en réfléchissant au moyen de se débarrasser de Miss Gresham et d'arriver ensuite à Miss Dunstable, il est étonnant, dis-je, qu'il n'eût pas jeté un coup d'œil sur les larges épaules qui étaient si près des siennes, et plus tard encore, lorsqu'il méditait ce projet tout en dégustant le bon vin du duc, il est étonnant qu'il n'eût pas remarqué l'air fier et déterminé du jeune homme qui était alors devant lui, ni pressenti les terribles effets de sa colère. Enfin, il n'est pas moins étonnant qu'après avoir dressé son plan et l'avoir mis à exécution, il ne se fût pas rappelé la force musculaire de cette main qui avait déjà serré la sienne avec une étreinte dont pouvait s'alarmer l'amitié elle-même. Pauvre M. Moffat, il est probable qu'il n'avait pas pensé à Frank, qu'il n'avait envisagé que la violence du squire et le ressentiment des deux Courcy, et qu'il s'était cru assez de courage pour faire face à ce danger. S'il avait pu voir le fouet que Frank avait acheté à Cambridge, s'il avait pu deviner le contenu de la lettre adressée à Harry Baker, il est probable, il est même certain, que Miss Gresham serait devenue Mrs. Moffat. Quoi qu'il en fût, elle ne le devint jamais. Deux jours après le départ de Frank pour Cambridge, il est même permis de croire que M. Moffat profita de ce départ, une longue lettre très explicite arriva à Greshamsbury. M. Moffat était convaincu que Miss Gresham et ses excellents parents lui rendraient justice et ne le soupçonneraient pas d'être influencé par etc., etc. Bref, M. Moffat retirait sa parole sans donner un motif plausible. Augusta supporta encore avec courage ce désappointement final, non toutefois sans verser quelques larmes secrètes, mais en somme, elle fit bonne contenance. Il ne fut question ni de scène, ni d'évanouissement. Elle ne se promena pas seule au clair de lune, elle ne composa pas d'élégie et ne pensa pas même une seule fois au suicide. Elle eut bien un instant de faiblesse, en se rappelant le charmant équipage doublé de roses. Mais cet instant passé, elle se résigna avec la grandeur d'âme d'une de Courcy. Lady Arabella et le squire ne prirent pas la chose aussi paisiblement. La première avait fait le mariage, et le second, y ayant consenti, s'était endetté pour mener l'affaire à bonne fin. L'argent qui devait être remis à M. Moffat était encore disponible, mais que n'avait-on pas dépensé pour les préparatifs du mariage? De plus, il est excessivement pénible pour un père de voir la main de sa fille rejetée, surtout lorsqu'un pareil affront lui est fait par le fils d'un tailleur. Le chagrin de Lady Arabella faisait peine à voir. Il lui semblait que tous les malheurs fondaient à la fois sur la maison de Greshamsbury. Quelques semaines auparavant, tout paraissait lui sourire. Frank, au dire de sa belle-sœur, allait se voir en possession de richesses fabuleuses. Augusta, de son côté, était sur le point de faire un excellent mariage sous le rapport de la fortune. Que restait-il donc de tant d'espérance? Augusta se voyait abandonnée, et Frank, dans une position encore plus désespérée, persistait à aimer une fille sans famille et sans fortune. Lady Arabella s'était un peu consolée de l'insuccès de Frank en rejetant le blâme sur son mari, et maintenant c'était le tour du squire de prendre sa revanche. Non seulement elle avait fait seule le mariage de sa fille, mais elle s'en était encore vantée avec tout l'orgueil d'une mère. Ce fut Béatrice qui se chargea d'apprendre à Frank la nouvelle de cette rupture. À l'exception de Lady Arabella, qui n'y était nullement préparée, la conduite de M. Moffat ne surprit personne à Greshamsbury, et Frank en avait parlé à Béatrice comme d'une chose très possible. C'est alors qu'il avait acheté son fouet et qu'il avait écrit Harry Baker. Le lendemain, Frank et son ami étaient assis devant une table de la salle à manger de l'hôtel de Tavistock à Covent Garden et causaient à voix basse. Le fouet, avec le manche duquel la main de Frank avait déjà fait ample connaissance, se trouvait entre eux au milieu de la table et de temps en temps Harry le soulevait et le pesait d'un air d'approbation. « Oh, monsieur Moffat, pauvre monsieur Moffat, ne sortez pas aujourd'hui et surtout ne vous rendez pas à votre club de Pall Mall. Gardez-vous au moins d'y aller à 3 heures, comme vous en avez l'habitude. » Ce fut avec une stratégie toute particulière que ces deux jeunes gens dressèrent leur plan d'attaque. Qu'on ne s'imagine pas qu'il leur fût jamais venu à l'idée de se mettre 2 contre 1, mais il n'était guère probable que M. Moffat se hasardât à venir serrer la main de son ex-futur beau-frère, surtout quand il verrait cette main armée d'un fouet formidable. Baker devait donc se contenter de jouer le rôle d'un oiseau dressé au leurre. De plus, il pouvait, ainsi qu'il le fit remarquer à Frank, se rendre utile en s'opposant à la charitable intervention du public et en retardant autant que possible celle de la police. « Il faudrait bien que le diable s'en mêle pour que je ne puisse pas réussir à lui administrer 5 ou 6 bons coups de fouet, » dit Frank en serrant presque convulsivement le manche du fatal instrument de correction. « Ah, monsieur Moffat, 5 ou 6 coups de ce fouet administrés par un pareil bras. Quant à moi, j'aimerais bien me joindre à une seconde charge de balaclava que de m'exposer à un semblable danger. » À 4h10, on eût pu voir nos deux héros s'acheminer le long de Pall Mall vers le club. Le jeune Baker marchait d'un air dégagé. M. Moffat, ne le connaissant pas, il n'était pas obligé de prendre des précautions. Mais Frank avait rabattu son chapeau sur ses yeux et avait boutonné son habit de chasse jusqu'au menton. Harry lui avait conseillé de mettre un grand paletot afin de pouvoir mieux se dissimuler. Mais Frank avait répondu que le grand paletot gênerait ses mouvements. Il se contenta donc de marcher en baissant la tête et en laissant sortir de sa poche le bout de son fouet. Il se flattait que M. Moffat lui-même ne le reconnaîtrait pas à première vue. Arrivés devant le club, les amis se séparèrent un instant. Frank resta sur le trottoir à l'ombre protectrice d'un grand péristyle, tandis que Harry montait 4 à 4 les degrés du club et, s'adressant poliment au concierge, le priait de porter sa carte à M. Moffat. « Monsieur Harry Baker. » Au même instant, M. Moffat, qui n'avait jamais entendu parler de M. Baker, entrait fort mal à propos dans le vestibule. Harry l'aborda en souriant. Voici à peu près le plan de campagne des deux amis. Baker devait demander à M. Moffat et l'inviter à venir lui parler dans la rue. Il était probable qu'il refuserait de sortir, et dans ce cas, Harry se rendrait avec lui dans la salle des étrangers qui se trouvait en face de la porte d'entrée. Si au bout d'un certain temps, Frank ne voyait pas paraître M. Moffat, il se rendrait dans la salle des étrangers, et soit qu'il rencontrât là ou ailleurs M. Moffat, il lui souhaiterait le bonjour avec toute la vigueur dont il était capable. Mais la fortune, qui protège toujours le brave, se déclara pour Franck dans cette circonstance. Au moment où Harry remettait sa carte au laquais du club, M. Moffat, ainsi que nous venons de le dire, entrait dans le vestibule et se disposait à sortir. M. Baker lui adressa la parole très gracieusement et lui demanda la permission de lui dire quelques mots en descendant dans la rue. Il n'est pas probable que M. Moffat y eût consenti s'il n'eût pas été sur le point de sortir. Il se contenta donc de regarder Harry de son air le plus solennel et continua de descendre les degrés du péristyle. À la vue de sa victime, Franck sentit son cœur bondir. Il fit deux pas en arrière en serrant fortement le fouet déjà tout près dans sa main. Harry continua à sourire et à dire des riens jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés sur le trottoir, ayant soin de détourner le regard de M. Moffat. Puis, quand il vit que le bras menaçant était suffisamment rapproché, il fit quelques pas en arrière. L'honneur de cette journée ne devait pas lui appartenir, à moins cependant que quelque policeman, en se mêlant de l'affaire, ne lui fournît l'occasion de se distinguer. « Mais où étiez-vous, fonctionnaire respectable, quand le fouet tomba avec tant de force sur les oreilles du pauvre ex-législateur ? Dans Scotland Yard, à dormir sur un banc ? Ou contre une porte, à compter fleurettes à quelques petites bonnes, car certes, vous n'étiez pas à votre poste. À vrai dire, à quoi votre présence eût-elle servi? Votre chef, Sir Richard lui-même, eût-il été présent, n'aurait pu empêcher Frank Gresham de cingler ses 5 coups de fouet à l'infortuné Moffat. » Le mouvement rétrograde de Harry Baker révéla tout à coup à M. Moffat le sort qui l'attendait. Il est à présumer que ses cheveux se dressèrent sur sa tête et que les cris s'arrêtèrent dans son gosier lorsqu'il voulut implorer le secours du club. Une pâleur mortelle se répandit sur son visage, et ses jambes lui refusèrent leur secours pour l'aider à fuir. Le fouet lui cingla une ou deux fois les reins, et s'il avait eu le courage de rester tranquille et de supporter sa correction dans cette posture, il s'en fût trouvé moins mal. Mais en pareille circonstance, un homme a rarement de la prudence. Lorsque M. Moffat fit un effort suprême pour regagner les marches du club, Harry lui dit en le repoussant « Vous ferez beaucoup mieux de rester dans la rue. » Franck alors ne put guère faire autrement que de frapper n'importe où. Quand un homme s'agite avec tant d'énergie, il est presque impossible de ne viser qu'à ses épaules. Les coups pleuvaient donc, tantôt sur ses jambes, tantôt sur la tête de M. Moffat, et malheureusement pour lui, Franck lui avait administré plus de 5 ou 6 coups avant que quelqu'un eût pu s'interposer. L'intervention eut lieu enfin, mais beaucoup trop tôt, selon l'idée que Franck avait de la justice. Quoiqu'il n'y ait jamais assez de policemen à Londres pour apaiser les querelles de la rue, il y a toujours des personnes prêtes à les remplacer, des policemen amateurs qui, généralement, prennent fait et cause pour la mauvaise cause, et qui, dans 9 cas sur 10, dépensent leur généreuse énergie à protéger les voleurs et les filous. En voyant le fouet de Franck tomber à coups redoublés sur les oreilles du pauvre Moffat, quelques personnes intervinrent donc charitablement en dépit des efforts et des protestations de Harry Baker. « Ne les interrompez pas, messieurs, je vous en prie, » disait-il. « C'est une affaire de famille, et ni l'un ni l'autre ne serait content. » Malgré toutes les assurances de Harry, Franck se vit enlacé dans les bras d'un gros monsieur qui se suspendait affectueusement à son cou, tandis que M. Moffat, qui était tombé presque évanoui sur les genoux d'un compatissant marchand de poissons, recevait déjà les consolations de 2 braves femmes. Franck, hors d'haleine et incapable de s'expliquer, ne proférait que des mots inarticulés sur l'indignité de son adversaire et faisait tous ses efforts pour s'élancer encore sur lui. Nous savons tous combien est dangereuse la vue du sang et comment la cruauté devient une habitude même chez ceux qui ont le cœur tendre. Franck pouvait à peine se persuader qu'il en eût fait assez pour venger l'honneur de sa sœur. « Harry, Harry, ne le laissez pas échapper !»« Voulez-vous donc l'assassiner, monsieur ?» lui dit le gros homme d'un ton solennel. « Cela m'est égal, » dit Franck en se débattant toujours. « Laissez-moi vous dire, cela m'est égal. Harry, ne le laissez pas échapper !» « Je crois qu'il en a eu assez, » dit Harry. « Cela peut suffire pour le moment. » Pendant ce temps, une foule s'était rassemblée autour d'eux. Les marches du péristyle étaient couvertes des membres du club, parmi lesquels se trouvaient plusieurs connaissances de M. Moffat. Les policemen arrivèrent enfin, et l'on se demanda ce qu'il fallait faire des agresseurs. Franck et Harry se virent arrêtés, et M. Moffat fut transporté évanoui dans le club. Franck s'était flatté que ce petit exploit terminé, Il irait le célébrer avec son ami Harry par un petit dîner arrosé d'une bouteille de vin de Bordeaux, et qu'il retournera ensuite à Cambridge par le train express. Il découvrit bientôt que ce petit dîner devait être différé. Il fut obligé de donner une caution dans le cas où on le sommerait de comparaître devant le tribunal de police de Marlborough Street, et on lui fit comprendre qu'il serait sous la surveillance de la police jusqu'à ce que M. Moffat fût hors de danger. « Hors de danger ? » dit-il avec surprise à son ami Harry. « J'ai la peine touché !» Cela ne les empêcha pourtant pas de faire un peu plus tard leur petit dîner, ni de boire leur bouteille de vin de Bordeaux. Le surlendemain matin, Frank était encore assis avec son ami devant la même table de la salle à manger de l'hôtel de Tavistock. Le fouet, qui avait joué un rôle si important, n'était plus entre eux. Il avait été soigneusement emballé avec les effets de Frank. Ils étaient un peu sombres tous deux et causaient peut-être avec moins d'entrain que l'avant-veille, lorsque la porte s'ouvrit à deux battants et l'on entendit un pas pesant mais rapide qui s'avançait. C'était le squire dont on attendait l'arrivée d'un moment à l'autre. « Frank, dit-il, que signifie tout cela ?» Et tout en parlant, il tendait la main droite à son fils et la gauche à Harry. « Il a donné une bonne correction à un drôle, voilà tout, » dit Harry. Frank sentit que sa main était pressée avec affection, et quoique le visage de son père exprimât l'étonnement et peut-être un peu de regret, il vit que son regard était affectueux. « Au nom du ciel, mon cher enfant, qu'avez-vous fait à cet homme ?»« Il n'a presque pas été touché, » dit Frank en retenant la main de son père. « Vous croyez ?» dit Harry en hochant la tête. « Alors il doit être fait d'un bois bien dur. »« Mais, mon cher enfant, j'espère qu'il n'y a pas de danger. » « Du danger ?» dit Frank, qui ne pouvait pas encore se persuader que M. Moffat eût été suffisamment corrigé. « Oh, Frank, Frank, comment avez-vous osé, et cela au beau milieu de Pall Mall ? Toutes nos dames de Greshamsbury croient que vous l'avez tué. »« Je le voudrais presque. »« Oh, Frank, Frank, mais voyons, racontez-moi comment tout cela s'est passé. » Et le père prit un siège et écouta non sans plaisir le récit que lui fit Harry Baker des hauts faits de son fils. Ils ne se séparèrent qu'après un autre petit dîner arrosé de vin de Bordeaux. M. Moffat se retira pendant quelque temps à la campagne, puis il partit pour le continent, ayant appris sans doute que sa pétition ne réussirait pas à lui procurer la représentation de Barchester au Parlement. C'est ainsi que se terminèrent ses projets de mariage avec Miss Gresham.